rêves des reliques conservées précieusement. Les rives de QSM portent les stigmates du serpent. Brûler les crucifix, la Bible, le Talmud et autres Corans. QSM, sommes le toxin, des fils de rien, des mécréants. La vie redonne comme cathédrale, il y a un condamn comme démo. Pas de trop texte théâtral, QSM prêche sur tiramant. Ni Dieu ni maître, pas d'imam et pas de pape. QSM pédagogue pour angélise la souffrate. Des arpèges plus malsains que les coulisses du Vatican. Des rives assassins qui font douter les plus croyants. Une œuvre délétère qui fait d'eux des dieux vivants. QSM visionnaire ne fait pas le pari d'un truc plus grand, non. Dans son missel, QSM te détaille le programme. Vice et luxure, et nous tous sans état d'âme. Terminer le carême, aux oubliettes, le ramadan. Tout est permis ce soir, c'est au point de barre en couvent. QSM aime la bonne messe, les fruits les donnes, mais les totems. Arrête-toi, oui, mais la tête, QSM te donne le baptême. QSM, moi, du bonne messe, mais ne rentre pas au GMJ. Arrête-toi, oui, mais la tête, QSM te sert l'Eucharistie. Sa chair vitrée, QSM fait des deux, assène son sermon. Il pactise avec le malin et réveille tous tes démons. Devant les pantins capuchés de noir ou de blanc, QSM ne s'inclinera jamais comme un simple pénitent. Si QSM n'était pas là, le démon prierait peut-être. Car il oublie qu'il s'y va à l'anaconda, un poisson maître. Ne marche pas sur l'eau, il distribue pourtant les pains. Pour une fois qu'il est généreux, il affole les paroissiens, les fanatiques inspirés et les apôtres dissidents. Se parjure pour QSM et réclame de moi son sang. Le fondat est vicieux, le vice de sa philosophie. Toi, tous les jours, tu pries Dieu, mais devant toi, tu règnes ici. Tu règnes ici. Des trous, des marques sur des membres d'invertébrés. Des cris d'horreur, des sifflements épouvantés. La véranda saigne, l'antéchrist n'a que deux dents. Le démon s'agite sur la croix, QSM cloue un serpent.